Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le libertinage, de la liberté politique à la licence sexuelle. Peu de mots mobilisent autant de représentations dans notre imaginaire que libertin, libertinage avec Casanova, Sade. Le libertin est libre, il vient du libertinus en latin, l'esclave affranchi, mais du libre penseur à l'amateur des plaisirs de la chair. Qui sont les libertins? Qui sont les libertines? Scarlett Beauvallet, bonjour. Bonjour. À quel moment ce mot libertin, et puis le champ lexical qui va avec libertinage, libertine, apparaît dans notre langue? Alors, ce mot apparaît très tôt dans notre langue, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il change de sens. Et il est intéressant de regarder les dictionnaires de l'époque, de lire les dictionnaires de l'époque, pour voir qu'entre le 17e et le dictionnaire de l'encyclopédie, on n'a plus du tout la même définition du terme de libertinage. C'est ça qui est passionnant, hein, c'est de voir cette évolution, parce que nous pouvons partir de nos représentations. Dès qu'il est question de libertinage, nous pensons tout de suite au plaisir de la chair, quelque chose d'assez aristocratique, coquin et feutré. Ce mot n'a pas toujours eu ce sens-là. Non, ce mot n'a pas eu toujours ce sens-là. Au moment de la, je dirais, à la fin du 18e, avec le dictionnaire de l'encyclopédie, il a ce sens. Et puis, il est intéressant de chercher, de creuser pour voir exactement à quel moment les choses basculent. Alors, je dirais, mais il faudra discuter avec Ambre, je dirais dans les années 1720-1730. Il me semble que là, on a déjà la même acception que la nôtre actuellement. Avec nous dans le cours de l'histoire, Ambre Pérez-Parfait, bonjour. Bonjour. Vous travaillez justement sur cette question, sur le libertinage. Votre thèse s'intitule « Une histoire politique du libertinage », une thèse dirigée par Laurent Gerbier. C'est quoi ce libertinage que vous étudiez déjà? À quelle période? Parce que c'est intéressant par rapport à ce que vient de dire Scarlett Beauvallet. Le libertinage que j'étudie est celui du premier 17e siècle. Donc je commence dans les années 1620 et je m'arrête un petit peu après les années 1650-1660. Et en effet, dans les textes que j'étudie, je vois la façon dont le mot de libertinage a été utilisé notamment par les apologètes catholiques pour injurier leurs adversaires. Eh oui, parce que c'est ça qui est passionnant avec ce mot-là, c'est que ce n'est pas un mot que un auteur va s'approprier, c'est un mot qui lui est envoyé. Scarlett Beauvallet, c'est presque une insulte, presque. Au 18e, non. Il faut pas au 18e, non, encore. Non, il faut pas exagérer. Hein. Non, le libertinage, ça définit un libre penseur, quelqu'un qui se comporte aussi différemment, avec plus de liberté, qui prend des libertés par rapport aux interdits de l'Église, mais c'est pas une insulte. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'il y a différents types de liberté. Entre le libertinage galant et, je dirais, l'extrême, la pornographie, on a toute une gamme, hein, bien sûr, très, très élargie. Donc là aussi, libertinage, ce n'est pas un modèle, c'est des attitudes différentes. Ambre Pérez-Parfait, il est dans la littérature une expression qui apparaît de libertinage érudit. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une expression qui est apparue vers 1940 lors de la publication d'un ouvrage majeur qui est celui de René Pintard, donc qui est un universitaire qui vient de l'histoire littéraire et qui s'est emparé de ce corpus d'auteurs des libertins et qui a cherché à distinguer ce qu'il a appelé le libertinage érudit du libertinage de mœurs. Et cette distinction, il la fonde, enfin, il l'explique en nous disant que le libertinage de mœurs est un libertinage qu'il qualifie de bruyant, qui s'épanouit dans les tavernes, et en réalité, qui est un libertinage qu'on comprend être sexuel. Et le libertinage érudit serait, quant à lui, une liberté de pensée, une hétérodoxie présente dans des textes de penseurs, d'un corpus de penseurs du XVIIe siècle. Mais en réalité, cette distinction, si on la creuse un peu, on peut très vite en trouver les limites. Oui, nous étions en 1940, hein, au moment de cette étude, et l'historiographie, le travail des historiens, des historiennes, fait que l'approche des sujets change. Le mieux est sans doute de laisser la parole à un libertin, de les me dire s'il est libertin. Phyllis, tout est foutu. Je meurs de la vérole. Elle exerce sur moi sa dernière rigueur. Mon vie baisse la tête et n'a point de vigueur. un ulcère puant a gâté ma parole. J'ai sué 30 jours, j'ai vomi de la colle. Jamais de si grands mots n'eurent tant de longueur. L'esprit le plus constant fut mort à ma langueur. Et mon affliction n'a rien qui la console. Mes amis plus secrets ne m'osent approcher. Moi-même, en cet état, je ne m'ose toucher. Phyllis, le mal me vient de vous avoir foutu. Mon Dieu, je me repens d'avoir si mal vécu. Et si votre courroux à ce coup ne me tue, je fais vœu, désormais, de ne foutre qu'en cul. Un poème attribué à Théophile de Viau. C'est un poème du début du XVIIe siècle, 1620. Nous sommes ici avec un auteur considéré comme libertin, Empérès Parfait. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, l'injure de libertin, la catégorie de libertin, a connu un grand succès grâce ou à cause du procès de Théophile de Viau, qui a été intenté par le Parlement de Paris en 1624, sur dénonciation des jésuites, notamment du père François Garras, qui a vraiment insufflé le sens que l'on connaît au mot libertin. Et ce poème, précisément, en était la cause, puisque c'était le poème d'ouverture du recueil appelé le Parnasse satirique. Parnasse satirique du sieur Théophile, effectivement, il fait rimer tu avec cu. Mais nous sommes au début du XVIIe siècle, et pour bien saisir ce que signifie ce mot libertinage et libertin, faut prendre un peu de hauteur. Scarlett Beauvallet, nous sommes à un moment particulier dans l'histoire même de l'Église, parce que nous sentons bien, vous l'avez évoqué, il y a des jésuites dans la partie, que l'Église a un regard sur toutes ces questions-là. Où en sommes-nous cette réflexion de l'Église sur le libertinage? Avant de parler de l'attitude de l'Église, je pense qu'il faut dire aussi qu'au XVIe, on a ce type de poèmes qui se répandent. Théophile de Viau n'est pas le premier à écrire ce type de poèmes. Vous pensez par exemple aux poèmes qu'on appelle les blasons, qui sont des célébrations de parties du corps, et de parties du corps évidemment qui ont, je dirais, quelque chose d'érotique. Donc, il s'inscrit déjà dans un courant existant. Alors, ces blasons, d'ailleurs, nous les connaissons. Parce que ce sont les grands poètes, Ronsard, ce sont des blasons. Oui, tout à fait. Il s'inscrit dans une période, je dirais, particulièrement délicate, puisqu'on a eu, à partir du Concile de Trente, une sorte de reprise en main, des façons de se conduire, et notamment en matière de sexualité. Et on a tout un discours de l'Église qui vise à freiner tout ce qu'on appelle les relations qui sont contre nature. Par relation contre nature, on entend tout ce qui n'est pas la relation sexuelle entre le mari et la femme pour avoir des enfants. Donc il est évident que les allusions très nettes que fait Théophile ne peuvent pas être en accord avec l'Église. Et il faut quand même ajouter que Théophile est un chrétien. Converti. Oui, parce qu'il est né dans une famille protestante et a été converti au catholicisme. Et évidemment, cette conversion, enfin, le fait qu'il soit né protestant lui aura été reproché pendant son procès. Qui vient en plus compliquer l'affaire. Le Concile de Trente, au milieu du XVIe siècle, est une réaction de l'Église à la réforme protestante. Scarlett Beauvallet, cela a quelles conséquences d'ailleurs sur la sexualité? Que décide le Concile de Trente? Parce qu'on sent une vraie rupture à ce moment-là. Alors, le Concile de Trente décide plein de choses. On va venir juste sur ce point de la sexualité. Il y a en fait une redéfinition, je dirais, des relations au sein du couple, qui se fait plutôt de manière positive. C'est pas du tout quelque chose de rigoriste, mais où évidemment la relation sexuelle est le propre de l'homme et de la femme mariés, d'autres personnes. Donc, évidemment, tout ce qu'on appelle les relations contre nature, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la procréation dans le but de faire des enfants, est absolument interdit et, je dirais, sévèrement puni. Nous parlons du péché de chair. Mais en fait, cela ne se conçoit qu'hors du mariage. Parce que dans le mariage, on va dire tout est possible. Il faut pas faire n'importe quoi quand même. Voilà, on pourrait reprendre cette fameuse formule. Tout est possible, mais tout n'est pas permis. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut respecter quand même des codes. Des codes. Et à partir de là, il y a un regard que l'Église porte sur tout ce qui peut se passer hors du mariage. En fait, disons-le simplement, tout est condamné hors du mariage. Ah oui, tout est condamné en dehors des relations, effectivement, entre mari et femme. Ambre Pérez-Parfait, les libertins au début du XVIIe siècle arrivent, s'inscrivent dans cette histoire-là. Que proposent-ils qui choque autant les jésuites, par exemple? Alors, pour parler un peu précisément d'un auteur qui fait partie de ceux que j'étudie le plus, à savoir François de Lamothe-Levaillé, il est assez étonnant de trouver dans un de ses ouvrages, Les dialogues faits à l'imitation des anciens, tout un catalogue des pratiques sexuelles qui sont condamnées par l'Église. Alors, ça va de la masturbation à l'homosexualité. Alors, effectivement, c'est une catégorie contemporaine, mais on va l'utiliser de manière anachronique, en passant par la zoophilie ou l'amour avec des tableaux, des statues, des arbres. Et du coup, cet auteur qui se qualifie lui-même de libertin, c'est assez étonnant, vient légitimer en réalité toutes les pratiques sexuelles, en montrant qu'elles sont toutes dans la nature et que elles ont toutes été tolérées, encouragées, autorisées par différentes sociétés à travers le monde et à travers les âges. Donc là on parlait de libre pensée tout à l'heure, on a vraiment la capacité de ce François de Lamothe-Levaillé à penser hors des cadres des interdits religieux et à venir légitimer ces pratiques. Penser hors des cadres, en fait, c'est ça qui est intéressant dans ces libertins du XVIIe siècle, Scarlett Beauvalet, c'est pas du tout mettre en avant une sexualité débridée. Non. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est que ce qu'on a dit tout à l'heure et qui est important, c'est le regard qu'on a posé sur eux après. Hein. Mais au moment où ils le font, non, c'est exprimer sa liberté en tant qu'individu. Et c'est très important ce concept de nature avec un grand N, hein, où finalement, qu'est-ce que Dame Nature a permis et qu'est-ce que finalement les institutions elles exigent. Donc je pense qu'il y a un conflit un petit peu entre cette notion, encore une fois, de nature et les institutions, oui, telles que l'Église. Et puis, dans cette réflexion, il y a le genre qui rentre en compte. Nous parlons beaucoup d'hommes qui sont libertins. Ambre Pérez-Parfait, donc, dans ce début du XVIIe siècle, il y a des femmes qui, elles aussi, prennent la parole. Je pense tout de suite à Marie de Gournay, qui est très connue pour avoir été l'éditrice des Essais de Montaigne, pour avoir été sa fille d'alliance. Et elle était une amie très proche de ce cher François de Lamothe-Levaillé. Et alors, je ne crois pas avoir déjà croisé dans l'historiographie le qualificatif de libertine pour Marie de Gournay. En revanche, elle faisait partie des mêmes cercles de penseurs, des cercles de discussion, des salons en réalité que fréquentaient les libertins érudits. Et donc, s'il y a une culture libertine au XVIIe siècle, je pense qu'on pourrait envisager la possibilité de faire rentrer Marie de Gournay dans cette culture, puisqu'elle prenait intensément part à la vie intellectuelle de son temps et elle était en discussion avec les principales figures du libertinage du XVIIe siècle. Scarlett Beauvalet. Il y a d'ailleurs, on pense souvent quand on parle des salons, aux salonnières, aux femmes du XVIIIe, mais il y a des salons qui se constituent dès le XVIe siècle et qui sont tenus par des femmes. Et je pense qu'effectivement, on pourrait ajouter, alors difficile de savoir s'il faut les appeler du terme ou pas de libertin, mais libertine, encore pas, surtout pas parce que ce serait un autre sens, mais effectivement, il y a des femmes, pas en très grand nombre, mais tout de même qui tiennent salon et qui écrivent. Et qui écrivent, et dont les écrits pourraient être rapprochés de cette libre pensée, hein, pour finalement donner un autre terme. Et au XVIIe siècle, justement, ces femmes qui tiennent salon sont qualifiées parfois de précieuses, mais aussi de ridicules. Que désirez-vous, monsieur ? Où sont vos maîtresses ? Dans leur cabinet. Que font-elles ? De la pommade pour les lèvres. C'est trop pommadé ! Dites-leur qu'elles descendent. Ces pandardes-là avec leur pommade ont, je pense, envie de me ruiner. Je ne vois partout que blanc d'œuf, lait virginal et mille autres brimborions que je ne connais point. Elles ont usé, depuis que nous sommes ici, le lard d'une douzaine de cochons, pour le moins. Et quatre valets vivraient tous les jours des pieds de mouton qu'elles emploient. Eh ben voilà, les précieuses ridicules, la scène 3 des précieuses ridicules. Alors les précieuses ridicules, c'est une pièce de 1659, c'est Molière évidemment. Les précieuses ridicules peuvent entrer dans cette histoire, Scarlett Beauvalet, de celle du libertinage. Elles ne sont pas libertines ces précieuses ridicules, mais elles sont là aussi pour penser le siècle. Alors évidemment, avec la pièce de Molière, on a beaucoup ridiculisé ces précieuses. Mais il y a un courant précieux qui a très bien été étudié par les littéraires et qui n'est pas du tout ridicule, hein, effectivement. Avec effectivement des femmes qui écrivent et qui se revendiquent, hein, d'une certaine liberté, liberté à la fois dans la pensée et dans la manière de se comporter, notamment en refusant certains mariages arrangés. Alors, je ne sais pas si on pourrait si on peut les rapprocher vraiment de la pensée des libertins. Ça me paraît un peu, ouais, voilà, je dirais non, hein. Mais tout de même, il est intéressant de montrer qu'à la même époque, on a ces courants qui expriment, hein, une liberté. Voilà. Mais je les rapprocherai pas personnellement. Pas ce qu'Ambre en pense. Oui, je suis plutôt d'accord. Je pense que la préciosité répond à trop de codes et de normes qui lui sont propres pour pouvoir être englobé dans le terme de libertinage. Au moment d'évoquer ces libertins, nous avons parlé de Théophile de Viau, par exemple. Il est question toujours de sexualité dans ce que nous disons. Ambre Pérez Parfait, ces libertins que vous étudiez au XVIIe siècle, parlent-ils toujours de sexualité? Parce que faudrait pas les réduire à ça, en fait. Et tout à fait, vous avez raison, puisque non, pas du tout. En tout cas, dans les aspects les plus philosophiques du libertinage du XVIIe siècle, on trouve des ouvrages qui ne mentionnent pas du tout, quasiment pas la sexualité. Par exemple, il y a Gabriel Naudet qui fait partie du corpus libertin de ce début du XVIIe siècle, qui a des préoccupations multiples, et la sexualité et la liberté sexuelle n'en font pas particulièrement partie. Mais il me semble que la sexualité, c'est un bon moyen, une porte d'entrée pour les condamnés. C'est pour ça qu'on parle tant de sexualité. Parce que comment les attaquer? Comment attaquer, par exemple, les écrits d'un Naudé? Par contre, si on prend la porte d'entrée sexualité, là, on a tout de suite un arsenal, je dirais, législatif tout prêt pour les condamnés. Et je pense que c'est pour ça que nous, il faut faire attention, quand on est historien, à ne pas faire d'anachronisme. Hein, cette chose qu'on voit n'est pas forcément, la plus évidente. La sexualité est un biais pour attaquer, parce que vous l'avez dit, Scarlett Beauvalet, il y a la loi elle-même et il y a la morale, presque la manière dont les gens ont intégré une norme. Il y a ça aussi, c'est que la condamnation est facile avec la sexualité. Oui. Débridée surtout. Et ça c'est pas bien du tout. Surtout que dès lors, l'argumentation peut se construire, exemple, avec un jésuite. Et quant au sieur Théophile, qu'il sache que quand il aura plus vivement poursuivi les imprimeurs qu'il dit avoir pardonnés, et qu'il devait avoir fait condamner, pour tout à fait se retirer du soupçon trop vraisemblable qu'il est auteur des abominations qu'il lui attribue, quand il aura fait publiquement brûler non seulement le Parnasse satirique, boutique de toute impiété et saleté, qui porte son nom en tête, mais encore la seconde partie de ses œuvres, livre auquel, feignant de désavouer ce qu'on lui met en su, il le confirme trop clairement par un grand nombre de propositions indignes d'une plume chrétienne et tracées par une plume trempée dans l'athéisme, l'impiété et le libertinage. Quand il se sera purgé devant ce grand et auguste parlement qui a décrété prise de corps contre lui, enfin, quand il se sera lavé entièrement et montré par un véritable amendement, tout autre qu'il est à présent, ce sera pour lors que, faisant part au public de sa pénitence, je me servirai de son exemple pour exhorter efficacement ses semblables à suivre un si honorable chemin, celui qu'ils ont imité en une façon de vivre et d'écrire si abominable. Sandy Boisard, dans le cours de l'histoire, qui lisait alors cette attaque d'un jésuite. Vous l'avez déjà cité, Ambre Pérez Parfait, ce jésuite s'appelle François Garras, qui s'attaque à celui qui est un de nos héros du jour, Théophile de Viau. Dans son attaque, le jésuite distingue l'athéisme, l'impiété et le libertinage. C'est intéressant, c'est comme si le libertinage, d'un seul coup, prenait une connotation un peu plus, comme nous l'entendons, sexuelle. Oui, mais en réalité, François Garas se sert de cette injure de libertinage pour y laisser entendre à la fois l'hétérodoxie sexuelle et l'hétérodoxie intellectuelle religieuse. Libertin sert d'anathème pour les impies, les déistes, les athées et les sodomites. Et vraiment, Garas a fort travaillé et a malheureusement, ou en tout cas c'est un fait, réussi à imposer cette définition-là du libertinage. Et l'association qu'il fait est très intéressante. Hein. C'est trois termes, hein, effectivement, que vous avez très bien soulignés. Ça, c'est très intéressant. Ça ne pouvait que condamner Théophile. Hein. Bien sûr. Oui. Nous étions en 1624. C'est un moment où se met en place un mouvement ancien. Vous l'avez dit, Scarlett de Beauvallet, c'est vrai qu'au XVIe siècle, déjà, il y a tous ces écrits. Pourquoi, à ce moment-là, dans ces années 1620, il y a cette volonté de cerner qui sont les libertins pour les condamner? Bon, je pense que déjà, le concile a fait son effet, hein, il a été imposé en France, et donc il y a un moment où je dirais, on se sent prêt finalement à les attaquer directement, ce qui n'était pas du tout le cas au XVIe, hein, Donc il y a un contexte qui est favorable, et je pense que malheureusement pour tous ces libertins, il y a eu cette collusion, hein, avec le qui explique. Hein. Ambre Pérez, parfait. Oui, je pense qu'il y a un durcissement, un double durcissement de la part de l'Église et de la part de la monarchie, parce que il faut pas oublier non plus que le XVIIe siècle, c'est vraiment le siècle où s'impose l'absolutisme. Et là, on le voit, les jésuites, donc l'autorité religieuse, a eu son rôle à jouer dans l'affaire Théophile, néanmoins, c'est le Parlement, donc c'est l'institution civile qui s'empare de l'affaire et qui fait condamner Théophile. Donc on a vraiment... C'est cet étau qui se resserre autour des corps et des consciences, avec d'une part l'Église et d'autre part l'État qui exerce une très forte pression pour mettre les gens et les pensées au pas. Ce qu'on pourrait ajouter, c'est que tous les libertins n'ont pas été condamnés de la même façon. Ah, et je pense à Desbarreaux, l'ami de Théophile, qui lui échappe à la condamnation. Alors pourquoi? Il a des bonnes relations. Sûrement meilleur que Théophile. Il a de bons amis. L'attaque du jésuite que nous avons entendue est parue sous un titre. C'est la doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps, ou prétendue telle, contenant plusieurs maximes pernicieuses à la religion, à l'État et aux bonnes mœurs. Alors là, nous avons ici une lecture très particulière, parce que les beaux esprits de ce temps, il y a cette volonté, Scarlett Beauvallet, de prendre en main la société, de la contrôler, d'avoir les genres bien définis, chacun à sa place. Une volonté de contrôle et, je dirais, en même temps, un contrôle sexuel ainsi donné par l'Église avec ce qu'on appelle les interdits. Hein, on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles à certaines périodes, hein, par exemple l'Avent ou le Carême. On a, je dirais, des jours où c'est interdit. Donc il y a une espèce de volonté d'encadrer les fidèles et de leur donner de bons comportements. Et les démographes ont montré que ça fonctionnait. Tout à l'heure, on parlait de manière dont on s'appropriait les choses. Quand on regarde par exemple, en démographie, on a, pour aller très vite, on a la même chose qu'un état civil actuel, avec les registres paroissiaux. Et donc, on est capable de repérer très nettement les moments où les gens ont des relations sexuelles avec la naissance des enfants. Et on voit que les interdits sont très respectés au XVIIe. Oui, au XVIIe. Hein, c'est important de le dire, Scarlett Beauvallet, voilà, vous êtes historienne. Donc cette morale, elle fonctionne. Elle fonctionne. Vous avez écrit « Le rose et le bleu, la fabrique du féminin et du masculin, 5 siècles d'histoire » en collaboration cet ouvrage. Et dans cet ouvrage, dans cette construction du masculin et du féminin, nous avons ce moment du XVIIe siècle où la condamnation des libertins, c'est aussi un moment où l'on met en place des lignes très nettes dans la société. Oui, on met en place des lignes. Et encore une fois, ça fonctionne. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va cesser de fonctionner à un moment. En tout cas, se gripper un peu. Vous êtes formidable parce que d'un seul coup, il y a le suspense. À quel moment cela va-t-il cesser de fonctionner? Vous me demanderez peut-être... France Culture. Ce que je fais le jour durant... Oh, cela tient en peu de lettres. Le cours de l'histoire. Le jour... je baise, tout simplement. Xavier Mauduit. Le libertinage, de la liberté politique à la licence sexuelle dans le cours de l'histoire. Scarlett Beauvallet, le changement de lecture de libertinage ne s'opère pas à un moment précis. Nous sentons que c'est un long processus. Ce processus s'étend sur combien de temps ? Alors, à la fois, c'est un long processus et qui touche pas toutes les catégories sociales en même temps. C'est deux choses. Donc, à chaque fois qu'on est, je dirais, en histoire des mentalités, on sait très bien qu'on est sur le temps long. Je pense que on peut commencer à avoir un moment où les choses changent dans les années 1720, peut-être même un peu avant. Voilà. Et après, par mimétisme, en fait, les choses évolue jusqu'au moment où on va trouver cette définition dont on a déjà parlé à la fin du 18e. Mais moi, je pense que dès fin 17e, début 18e, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui évoluent. C'est sûr qu'à la fin du 18e siècle, ça y est, le libertin est un coureur de jupons, quelqu'un mais alors qui à la fois fascine mais est condamnable, surtout lorsqu'il tient un catalogue, le catalogue dans lequel il inscrit la liste de ses conquêtes selon les nationalités. Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amo il patron mio, un catalogo e lieti ho fatti io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, ma tra queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, e madonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. Ah, le plaisir d'écouter l'air de Leporello dans Don Giovanni de Mozart. 1787, Don Giovanni, quand même 640 en Italie, 231 en Allemagne et 1003 en Espagne. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment en sommes-nous arrivés à ce libertinage condamné et même réduit simplement à la sexualité ? C'est ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire. Libertinage de la liberté politique à la licence sexuelle. Que se passe-t-il en lien avec le politique pour le libertinage ? Scarlett Beauvallet, nous avons cette rupture bien connue, la mort de Louis XIV en 1715, la régence, que nous associons à une période de libertinage. Est-ce qu'en fait, ces mouvements de société peuvent être liés à un regard politique particulier ? Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus faire des liens. La Régence est effectivement une période où les mœurs semblent se relâcher, notamment les mœurs des élites. Et on pourrait opposer la cour vieillissante de Louis XIV avec Madame de Maintenon et le tournant un peu religieux qu'elle lui a donné au 17e, à la nouvelle équipe dirigeante. Je pense pas que ce soit une affaire politique. Je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent l'expliquer. Il y a d'une part le fait que Louis XIV meurt sans héritier direct et que il faut passer à trouver un autre héritier. Et je pense aussi qu'il y a la conjonction de, on souffle après finalement un règne qui a été long, qui a été marqué par les guerres et qui a été marqué par une fin de règne, avec notamment l'affaire des protestants, difficile. Donc je pense que c'est plutôt ça, plutôt qu'une affaire proprement politique, à mon sens. La révocation de l'édit de Nantes, effectivement, c'est un moment majeur de notre histoire et cela a des conséquences sociales. Ambre Pérez-Parfait, vos libertins, comment évoluent-ils? Comment arrivent-ils à se situer dans une société où ils sont officiellement condamnés? Difficilement. Difficilement. Enfin, il faut nuancer un petit peu, puisque les libertins que j'étudie particulièrement, dont je vous ai déjà parlé, La Motte-Levaillée et Naudé, ont quand même un rang social relativement élevé, puisque Naudé est bibliothécaire du cardinal Mazarin et La Motte-Levaillée a été précepteur du duc d'Anjou. Ils ont quand même des protecteurs. En fait, ils ont, je pense, je pourrais dire, l'intelligence d'avoir choisi des protecteurs, puisque ils avaient certainement conscience du fait que ils seraient pieds et poings liés sans cette protection et sans cette marge de manœuvre octroyée par leurs protecteurs. Et ces protecteurs leur permettent, dans une certaine mesure, de diffuser des textes et des pensées assez hétérodoxes. Notamment en matière de politique. Mais peut-être pas subversive. Ah, je pense que si. Si, subversive. Oui, je pense que si, oui, oui. Mais de manière souterraine, de manière dissimulée, voilà. Puisqu'il y a tout un art de l'écriture dissimulée, de la publication sous couvert d'anonymat ou de pseudonyme. Donc il y a des manières un petit peu de biais pour... On pourrait peut-être évoquer justement tous ces livres qui circulent, comme on dit, sous le manteau. Oui. Qui sont normalement interdits par la censure, mais qui, grâce aux colporteurs, parviennent. Et on sait qu'il y en a énormément. Oui, tout à fait. Alors, à la fois des livres politiques, des romans libertins, des livres vraiment carrément pornographiques, mais toute cette littérature qui circule et qui fait que les choses bougent, que les idées évoluent, tout à fait. Mais qui pourtant sont interdites tout à par fait. La librairie. Oui, effectivement, l'histoire du libertinage, c'est aussi l'histoire de cette clandestinité-là et de cette dissimulation et de cette diffusion du savoir par des moyens détournés. C'est pour ça que je disais que c'était peut-être pas subversif, parce qu'en fait, on ne peut pas les attaquer directement. Alors que Théophile, on avait saisi... Oui, mais en fait, ils ont retenu la leçon et voilà. le père Garras a réussi son entreprise en ce sens. L'extrait que vous avez passé tout à l'heure le montrait bien. Il voulait faire un exemple et malheureusement, il a réussi. Il a réussi à faire un exemple et puis les frontières sont floues. C'est-à-dire qu'un libertin n'est pas un libertin tout le temps, du matin au soir, dans tous ses écrits. Si nous prenons Jean de La Fontaine, qui a été critiqué pour ses écrits libertins, enfin Jean de La Fontaine, c'est aussi un auteur de fables et beaucoup plus large. Il y a de ça aussi. Les libertins, c'est un monde un peu flou, ça ne dit pas grand-chose. Alors on évoque La Fontaine, il faut penser à Diderot, quand il écrit Les bijoux indiscrets. C'est vraiment un roman libertin. On ne pense pas forcément à Diderot de cette façon-là. Oui, c'est vrai, mais vous avez raison de souligner toute l'ambiguïté de la catégorie, la difficulté à dire si tel ou tel auteur fait partie du corpus libertin. C'est une difficulté à laquelle sont confrontés tous les historiens des idées qui s'attaquent à cette catégorie-là, qui a des bords très flous et qui empiète sur d'autres catégories, par exemple celle de lumière radicale. Parfois, Diderot est classé dans ces lumières radicale, catégorie à laquelle on rattache celle de libertinage. Enfin, du coup, c'est souvent très ambigu et très difficile à définir, en effet. Oui. Vous avez évoqué ces livres qui circulent sous le manteau et ces élites qui condamnent. Mais ces élites qui achètent ces livres-là et qui les lisent, évidemment. Donc ces livres se retrouvent chez ces élites et ces élites se retrouvent au bordel. Foutez-moi le camp, volaille de merde. Tu ne donnes jamais aux pauvres, toi. Mais non, il y en a trop. Mais qu'est-ce que tu fais de ton argent? Ah, monseigneur, vous savez que je suis avare, c'est le seul vice qui ne me coûte rien. Il va me foutre au camp, lui! Mon Dieu! Oh! C'est fini, l'abbé, oui! Ah, on leur donne ça, ils vous prennent ça! Saloperie! Oh! Ah, tu ne seras jamais mieux quand ça tire. C'est ton état naturel. Vous m'aviez juré d'en finir avec ces mascarades, volailles de merde. Mais tu n'en es pas fâché, du bois. Tout ce qui entre dans le coffre de la Fillon, tu le partages. Si je n'étais pas aussi faible, tu serais moins riche. Tiens, un jésuite au bordel, mais un tout petit. Mais oui, monseigneur, y voyez-vous quelque inconvénient? Non, si c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Sait-on jamais? J'ai déjà vu au bordel des capucins, des moines mendiants, des récollets, mais des jésuites, jamais. C'est qu'ils viennent généralement en habit laïque. C'est une explication. Ah, Philippe. Seriez-vous fâché que le père Burdeau, qui est mon confesseur, se joigne à nous? Cette nuit? Ben oui, justement cette nuit, comme ça verra tout ce que je fais. Ça m'évitera de me confesser. Ah bah oui, c'est intelligent ça. Que la fête commence, le film de Bertrand Tavernier en 1975 sur la Régence, hein, que nous évoquions. Il y a quelque chose ici qui est passionnant, de voir comment eh bien, ce libertinage, qui pouvait être érudit pour utiliser une expression un peu tiroir, hein, qui ne peut pas dire grand-chose, ce libertinage devient de plus en plus lié à la licence sexuelle. Les libertins que vous avez étudiés du XVIIe siècle, Ampères parfaits, ne se reconnaîtraient pas dans ces libertins du XVIIIe siècle, dans ce mot-là? Difficilement, je pense. Difficilement, je pense, mais pour amener une petite précision, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler de glissement de sens ou de changement de sens. J'aurais plutôt tendance à parler d'un oubli. Puisque si on prend en compte ces deux facettes du libertinage qu'on évoquait tout à l'heure au début du XVIIe siècle, la dimension sexuelle que Pintard a nommée de mœurs, et puis cette dimension intellectuelle, voire politique, philosophique, ces deux facettes-là ont été conjointes pendant longtemps. Et puis, finalement, la dimension politique, intellectuelle, philosophique, que Pintard a nommée érudite, du libertinage, a peut-être été oubliée en réalité au fur et à mesure des ans. Et c'est peut-être bien la faute des accusateurs, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, Scarlett Beauvallet, il est facile d'accuser tel ou tel penseur, tel ou tel poète pour sa sexualité. Et puisqu'il est plus facile de démontrer que tel personnage a été hors la loi, qu'elle soit religieuse ou civile, par son attitude, par ses pratiques sexuelles, peut-être que c'est pour ça aussi que la dimension intellectuelle du libertinage a été oublié vers la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Oui, je suis et qu'on tout à fait d'accord, mais il faut quand même regarder les dictionnaires. Ça, c'est une de mes marottes. J'aime regarder les dictionnaires. Et c'est vrai que quand on regarde les termes début XVIIe, fin XVIIIe, ça, c'est comme le terme de tolérance. Bon, c'est plus du tout la même chose. Donc, il y a les deux choses, je pense. Il y a un changement, il y a un oubli. Et finalement, je pense que la société, elle a d'autres chats à fouetter, finalement. On a les jansénistes, on a d'autres opposants politiques qui sont dangereux. Oui, et c'est finalement, ça. C'est peut-être plus les mêmes que... Et au XVIIIe siècle, au moment d'évoquer les opposants, il y a ce mot qui doit apparaître, c'est la philosophie, les philosophes. Parce que là, je ne sais pas, vous allez me dire, est-ce qu'avec les philosophes, nous ne sommes pas dans une lecture, mais bien postérieure, pour dire au XVIIIe siècle, il y a des philosophes et des libertins à côté? C'est en fait un mouvement qui peut être comparable. De livre-penseurs, de gens qui revendiquent une certaine forme de liberté. Et en ce sens, oui, on ne va pas dire que les philosophes sont les libertins du XVIIe, hein, ce n'est pas ça qu'on va dire. Mais en tout cas, il y a tout de même cette volonté de liberté qu'on retrouve, qu'elle soit politique, religieuse ou de tout type de nature. J'irais même jusqu'à oser penser que les libertins du XVIIe siècle, s'ils ont été lus par ces philosophes des Lumières, ont peut-être permis une certaine remise en question des dogmes qui étaient ceux du XVIIIe siècle, avec le point de vue de ces auteurs du XVIIe siècle. Mais je pense qu'il est possible d'envisager que le libertinage philosophique du XVIIe siècle a d'une certaine manière, de manière souterraine, de manière de biais, a pu en quelque sorte influencer la pensée. Oui, puis les choses se transforment. C'est un lent processus, et ce lent processus qui nous intéresse dans le cours de l'histoire nous conduit à évoquer des monuments de notre patrimoine sans faire de faute de liaison. Quand j'ai fait mon entrée dans la société, j'avais 15 ans. Je savais déjà quel était le rôle qu'on m'assignait pour le reste de mes jours, me taire et faire ce qu'on m'ordonnait. Cela me permit d'apprendre à écouter, sentir, observer. Bon, je me moquais bien de ce qu'on me disait, cela n'avait aucun intérêt. Mais je m'exerçais à voir ce qu'on essayait de cacher. Je pratiquais le détachement. J'étais entraînée à sourire pendant que sous la table j'enfonçais une fourchette entre la peau et mes ongles. Je devins très vite une virtuose de l'hypocrisie. Ce n'était pas le plaisir que je voulais atteindre, mais la connaissance. Je consultais d'austères moralistes pour acquérir le maintien, des philosophes pour apprendre à réfléchir, et des auteurs pour voir dans leurs romans jusqu'où je pouvais aller. Et tout cela, je l'ai distillé en un unique et merveilleux précepte, vaincre ou mourir. Pas d'autre choix. Vous êtes infaillible, alors. Si je veux un amant, je le prends. S'il veut s'en glorifier, il s'y cassera les dents. Un extrait du film « Les liaisons dangereuses » de Stéphane Fries, à partir de l'ouvrage évidemment de Choderlos de Laclos en 1780, les années 1780, il paraît en 1782. Nous sommes à un moment très intéressant là aussi, parce que dans notre volonté de classer les ouvrages, c'est toujours le même problème, vous savez, dans une bibliothèque libertin, philosophique, Scarlett Beauvallet dans ce 18e siècle, et les choses sont floues, extrêmement floues, et l'on passe de l'un à l'autre. C'est vraiment ce lien de libre penseur qu'il faut retenir. Oui, moi je pense, parce que après c'est dangereux de faire des catégories, parce que voilà, on enferme les choses. Non, je pense qu'il y a cette notion de liberté. Et là, chez Laclos, c'est très intéressant quand il oppose ces deux femmes. Et quand il essaie de voir ce qui motive l'une et l'autre, hein, Merteuil et puis comment elle s'appelle déjà, j'ai perdu son nom. Bon, aussi, bah, bref, vous aussi. Donc quand il Tourvel, voilà, oui. Tourvel. Quand il oppose ces deux femmes, c'est intéressant parce que on a deux types, hein, de femmes. On parlait tout à l'heure du genre, et ce roman est intéressant à ce titre aussi. Et là, d'un seul coup, apparaissent des personnages dans cette fin du XVIIIe siècle. Casanova, évidemment, Sade aussi. Peut-on dire que quelques-uns de ces personnages, par leurs écrits, fabuleux sans doute, ont complètement détourné le sens qui a été donné ensuite au mot libertinage? Scarlett Beauvallet. Ah oui, je pense qu'il y a un détournement, hein, il y a un changement. Je suis pas si certaine que ça, oui. Puisque en écoutant attentivement l'extrait, je trouvais ça malheureux, finalement, la musique anxiogène derrière le discours de Merteuil, et mais qui ressort tout à fait l'extrait du roman, puisque finalement Merteuil, là, elle décrivait son émancipation, elle décrivait la façon dont elle a lu, dont elle est sortie de sa condition de femme assignée à l'ignorance, à l'obéissance. Et bon, alors c'est un thème qui a souvent été travaillé en histoire de la littérature, hein, la façon dont Merteuil est aussi une femme qui est émancipée, elle le dit elle-même, hein. Il n'y a que dans le veuvage qu'elle a pu s'émanciper. Et du coup, je trouvais ça intéressant là, de souligner la façon dont Merteuil dit elle-même avoir lu, avoir s'être instruite. Tout ça m'a semblé particulièrement intéressant. Et là, je pense qu'on peut retrouver un petit peu, si on cherche à le faire, cette double facette du libertinage, puisque c'est instruisant que Merteuil... Ah oui, comme ça, d'accord. Parce qu'en fait, quand on lit le 16e, on lit quand même pas ce type de texte. Vous voyez, quand on revient sur les femmes qui ont écrit au 16e, c'est quand même pas le même type de texte qu'on peut trouver, hein. Le même type de texte que... Le même type de revendication. Ah oui, bien sûr. Hein, oui. On parlait tout à l'heure de la fille de Montaigne. Hein. Oui, bien sûr. C'est quand même pas ça qu'on trouve dans le texte. Hein. Les libertins ont fait leur effet aussi, ah, oui. Même s'il y a eu un coup d'arrêt, une sanction évidente, oui. Au XVIIe siècle. Ils sont toujours présents. Nous parlons beaucoup de littérature. Scarlett Beauvallet, l'historienne, au moment de réfléchir à ces questions-là, dispose d'autres sources. Vous nous avez parlé de la démographie. C'est intéressant aussi d'aller chercher ailleurs que dans la littérature. On a la démographie, on a les écrits privés. Et donc, c'est intéressant d'opposer évidemment la norme avec les réalités. Parce qu'il est bien évident que quand l'Église édicte des normes pour ce qui doit se passer entre les couples, y a beaucoup de couples qui prennent plaisir à avoir des relations. La démographie montre que justement, il y a ces interdits qui étaient si bien respectés au 17e, le sont beaucoup moins au 18e. Ce qu'on voit par exemple augmenter, c'est les relations prénuptiales. Le couple est prêt à se marier. Normalement, le bébé devrait arriver 9 mois après. Il arrive 5 ou 6 mois après. Mmh. Bon, on a commencé avant. Et ça augmente de manière considérable au 18e. On passe jusqu'à 20-30%.